gâteau c'est énorme. J'suis dans la rue, pas dans le cul à Nicki Minaj. T'as pas misé sur moi, regarde-moi faire l'oseille comme un vrai mon image. J'pense jamais à toi si tu savais, j'égare ton petit frère, c'est pour sortir des ténèbres. J'aurai jamais ton mail, pour toi j'ai que ma bite et mes doigts. Je sais que j'peux pas rentrer sans ma couette. Avant de sortir, maman fait des doigts. J'ai goûté la vie et c'est pour elle, mais c'est pas grave, j'vais quand même la courir. J'avais que du frozen et du courage, l'argent pour écarter les jambes de Sakura. Moi j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai préféré la revendre à Mozart. La liberté elle vaut pas 1 200 $. À la santé t'es devenu un dollar. Sur le banc t'attendais qu'on t'arrange. Quand t'es pleurs dans mes bras c'est pas marrant. Y'a mes Yankees qui attendent l'avalanche. J'ai encore aucun diamant sur mes putains de phalanges. J'ai de la haine, j'ai aucun love, j'ai beaucoup de problèmes dans la tête. Ton cœur révèle passer à l'autre, tu l'oublieras pas dans un pet. Encore ton parfum dans la colle, lance à 7, j't'ai coupé une cassette. J'ai de la haine, j'ai aucun love, j'ai beaucoup de problèmes dans la tête. Tes couilles se vider, je veux une balle dans la tête pour mon bidet. C'est dingue, en bas j'ai vu mes frères se désinguer. Pour obtenir la paix, toi t'as dû faire la guerre. Pour faire un Pascal, nous on vendait la veille. Pour faire un Pascal, j'ai fait tomber la veste. Fils de pute, moi j'ai donné, c'est jamais l'inverse. Pour obtenir la paix, toi t'as dû faire la guerre. Moi j'ai pas fait les bazar. La liberté elle vaut pas 1 200 $. À la santé t'es devenu un dollar. Sur le compte t'attendais qu'on t'arrange. Quand t'es pleurs dans mes bras c'est pas marrant. Y'a mes Yankees qui attendent la phalange. J'ai encore aucun diamant sur mes putains de phalanges. J'ai de la haine, j'ai aucun love, j'ai beaucoup de problèmes dans